Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planet Rap Ice MC. Passez une bonne soirée, bienvenue. Le Planet Rap entre 20h et 21h et des rebondissements, Pardon. Je croyais qu'il n'était pas là, mais si, presque. Si, tu pourrais, tu pourrais prendre la voix. Triangle dans mon label. Passe au bureau, ma belle. Ouais, bah, dommage. On n'a pas en tout cas ce soir le vrai Ice MC. Alors, on va être sérieux deux secondes. Volteface qui est là aussi avec nous. Voilà. Bienvenue. Merci. Dans ton Planet Rap aussi, hein, parce que c'est la famille avant c'est tout. Mon Planet Rap, c'est toi qui prends. C'est ça, en fait. Il y a eu un putsch. Voilà, Bon, alors, explique-nous ce qui se passe. Moi, je viens d'arriver, en fait, à la radio. Ouais. Et on m'a dit, Ice pourra pas être là ce soir. Voilà, exactement. Ça veut dire, bon, à la base, nous, de faire une émission à Frères Lumière. Voilà. Maintenant, malheureusement, des fois, il y a des mauvaises nouvelles dans la vie, des choses qu'on n'attend pas. Et ce matin, dans l'après-midi, j'ai pas de nouvelles. Hein. Il y a la justice, on va dire, qui l'a rattrapé, là, il est en garde à vue. Donc moi, je sais pas, c'est quoi le délire, tu vois, je suis un peu dans ça, c'est thug, mon pote. Ça, c'est thug. Pour la promo de l'album qui c'est sort vendredi. C'est pas un groupe qu'on verra. En plus, c'est même pas un coup promo, donc voilà. Non. Malheureusement, c'est parfois les histoires de. Ça arrive. De la vie qui reprennent le dessus. Voilà. Donc Ice ne pourra pas être là ce soir. Ouais, normalement, il sera pas là. On espère qu'il sortira. Bon, j'espère qu'il va sortir et qu'il va réussir à venir dans la soirée, mais maintenant, je sais pas. En tout cas, donner des nouvelles, mais c'est vrai qu'a priori, donc là, on a pas trop de nouvelles, on sait qu'il y a une garde à vue, voilà. Excès de vitesse, il avait un flow trop puissant, trop rapide. C'est certainement ça, exactement. Mais en tout cas, on perd pas ou change non plus, j'ai envie de dire. Donc on lui souhaite bon courage, je sais pas s'il peut nous entendre, mais si quelqu'un peut transmettre au comico là-bas, là où il se trouve, on pense à lui ce soir entre 20h et 21h. Bah, il y a déjà Volteface qui est là. Il y a une équipe aussi qui est là, comme d'hab, hein, le XV Barbare dans le coin. Et l'imitateur officiel, j'ai envie de dire, celui, qui sait tout faire, il sait prendre le Ice MC du pauvre. Le Ice MC du pauvre. Et qui est présent. Qui rate tous ses freestyles quand il a ce qu'il a. À chaque c'est fois, pas vrai. J'oublie des mots à chaque fois. C'est pas vrai, t'as eu un petit dérapage. Et après, c'est relayé dans les médias en plus. C'était vachement bien. À chaque fois, t'as les pages, tu sais, genre une page qui s'appelle les plus grosses punchlines du rap français. Et à chaque fois, ils repartagent ça. Et à chaque fois, ils mettent des titres bien, tu sais, Mr. V met à terre le rap français. Il m'invente des rumeurs et tout. Il clash Caris, Jules, gradure en un son. Parce que le garçon excité qui est à mes côtés s'appelle Mr. V, évidemment. Voilà. Vous le connaissez maintenant avec tous ses délires sur le net, dans le cinéma aussi bientôt. Ah, puisque moi je lisais les nouvelles cet été. Ouais. Je tombe, il va jouer dans Camping. Oui, d'ailleurs, c'est le Parisien a annoncé en me qualifiant en disant le rappeur Mr. V. Oui. Ce qui m'a fait plaisir. Aïe, concentré dans le game. C'est bon, t'es dans le game en fait maintenant. Je commence à faire du shit et tout. Il te manque plus qu'une petite garde à vue. Il te manque que ça, quoi. Le bendo, tout ça, je connais. T'inquiète pas. Commissariat du 2ème de Paris, venez chercher Mr. V à 21h, c'est bien le garde à vue. Venez le palper un petit peu, vous avez forcément trouvé plein de choses sur lui. Des armes, des calages. C'est en bas de la radio, 37 bis rue Grenetta, Paris 2ème. On finit à 21h, vous le reconnaîtrez, il a une casquette rouge. Non, il te manque que ça pour la street crib. J'ai déjà beaucoup de trucs, mais bon. Il manque mon petit t-shirt comme Volt. Voilà, mon petit logo. Voilà. Donc Volteface, écoute, tu vas prendre le relais du frangin voilà, de Ice MC. Il n'y a que la moitié des Frères Lumière, mais c'est déjà aussi pas mal. On va revenir un petit peu sur le parcours de Frères Lumière. Mr. V est là aussi, puisqu'il est présent sur l'album d'Ice. Hein. Exactement. Puisqu'on le disait, l'entrée dans le rap game, ça commence à se faire de plus en plus pressante, cette entrée. Exactement. Et il y a un morceau qu'on écoutera d'ailleurs ce soir avec Mr. V, projet Ice. Yes. Dans quelques minutes, mais là, on débute avec Millionnaire, comme d'hab. Allez, c'est parti. C'est extrait de l'album qui sort toujours vendredi. Ice MC, on pense à lui ce soir. Lord Airwall, 4 septembre. Mignonnette, elle a plus d'une marionnette, elle est plutôt visionnaire, elle recherche le un millionnaire. Le 4 septembre, gros. Millionnaire, oh, bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâchement, don't care. C'est par la taille à son père. Bitch, I don't care. Bitch, I don't care. 4 septembre. Don't care. C'est par la taille à son père. Elle recherche un millionnaire, une dot à un million net. Elle a fait des kilomètres pour faire de lui sa marionnette. Elle aime les bico malhonnêtes, les suppléments mayonnaise. Le veuf clico, la monnaie, elle fait monter le baromètre. Elle est souvent ivre d'après ce que j'entends. Cette pétaille, ça arrive toujours dans le carré VIP en chantant. Oh, oh là, moi, c'est Ice, le boss enchanté. Tu dis ne pas me connaître, mais Libère tu me sens l'argent, gloire et beauté, elle veut me ligoter. Elle ne mérite pas mieux qu'un hôtel Mitter Hugoté. Elle peut pas chipoter, elle sait que je suis coté. Tu rêves de te faire un blaze à travers mon épauté. Poupée, bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâchement, don't care. Sois la taille à ton père. Bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâchement, don't care. Sois la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire. Elle fait l'amour comme une femme, une fois qu'elle a vidé ton magnum. Elle prend la vie comme une fable, champagne en fontaine pour madame. Reconnue dans tous les clubs et les grands hôtels de Marseille à Paname. Tu cèdes à ses petits caprices, ses talents de petite actrice. Elle te laisse une cicatrice, nous te ramène en psychiatrie. Elle recherche un millionnaire, toi t'es juste une marionnette. Le 4 7 7 Tu sais plus sur quel pied danser depuis que t'es devenu son bolos. Elle attend que tu te fasses péter pour péter les clés du gamos. Coupé, le genre de femme à redouter. Tu rêves de faire un blaze à travers mon épopée. Bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâche-moi don't care. Sois la taille à ton père. Bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâche-moi don't care. Sois la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Bitch, I don't care. Lâche-moi don't care. Sois la taille à ton père. Bitch, I don't care. Bitch, I don't care. Lâche-moi don't care. Sois la taille à ton père. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire. Elle recherche un millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire, millionnaire. Une émission spéciale ce soir sans Ice MC, mais au thème tout simple, libérer Ice MC. Libérer Ice. Hashtag libérer Ice. Libérez-le. On le veut en tété, mon pote. Ah ouais, allez-y, allez-y. Balancez libérer Ice avec le hashtag. Peut-être qu'on aura une bonne surprise avant 21h. Peut-être. Ah, peut-être. On croise les doigts. C'est vrai que pour l'instant, c'est le truc qui est emmerdant dans les gardes à vue, c'est que tu sais pas. C'est-à-dire voilà. Que ça peut aller très vite. Patient, comme... t'attends, on verra. Comme ça peut aller. Ça peut... Voilà. Les keufs, ils en ont rien à battre. Ils sont foutus de Planète Rap, je pense, ouais. Je pense que t'as beau dire, j'ai une émission Planète Rap. Ouais, super. Tu rigoles, t'as vu, donc c'est pas un... Ou alors, tape des bars ensemble. Ou alors, ouais, ou alors les mecs, bah vas-y, freestyle. Vas-y, fais-nous un petit freestyle. Vas-y, fais one-one, frère. C'est ça, direct. Bon, le Planète Rap, donc vous l'entendez, Mister V est là avec nous, il est présent sur le projet, on va en parler dans un instant. Yeah. Volteface aussi, puisque évidemment, les Frères Lumière. Un petit mot d'ailleurs sur le groupe que tu formes avec Ice. Ouais, alors les Frères Lumière, c'est... on peut pas vous dire c'est deux frères, ou... Enfin, deux frères à 200, ou deux frères... voilà. C'est vrai, il y a toujours une ambiguïté. C'est toujours ce suspense-là... depuis des années, bon, on vous le dira peut-être un jour, mais voilà, c'est Mister V, tu sais, toi, c'est franchement, c'est même pas normalo. La prod, c'était en studio, parce qu'il sait, en vrai, mais, tu vois, ouais, c'est bien, c'est bien. J'ai vu qu'il me mentait. Quand il ment, il a un petit regard bizarre. Non, je vais pas trahir, c'est voilà, secret defense. Non, c'est le secret, c'est bien. C'est voilà, il y a un gros buzz autour de ça aussi, du fait qu'ils savent pas si on est frère ou pas. En tout cas, voilà. Bon, en tout cas, vous avez un truc fort, vous avez un lien fort. Voilà, voilà, voilà. On a commencé pas ensemble, mais presque ensemble. Voilà, aujourd'hui on est ensemble, hein, donc début de carrière en même temps à peu près. Aujourd'hui, voilà, hein, on essaye de faire le buzz, de faire ce qu'il faut, tu vois. Ah, tu as un coup de fil, Mister Vic. Oui. Mais c'est pas intéressant spécialement. Ah oui, d'accord. Donc oui, tu me disais. Ouais, non, voilà. Et là, tu es présent aussi, pareil. Hein, y a un morceau qui s'appelle Mes ennemis sur le projet. Ouais. Ouais, c'est un morceau un peu à thème. C'est on a voulu un peu changer par rapport à d'habitude. On est dans la perf. Là, on a voulu être un peu dans le thème, tu vois, dans la vérité, ce qui se fait un peu rare en ce moment. Voilà, j'espère que les gens ils vont aimer, en tout cas, lors des Rois le 4 septembre. On le balancera dans la semaine, peut-être pas ce soir, mais on le balancera dans la semaine, ce morceau. Est-ce qu'il y a aussi encore un projet en commun entre vous deux qui est prévu dans les mois à venir? Est-ce que... Alors ça, c'est très très possible. Maintenant, je vais pas dire oui ou non, parce que ce serait trop facile, mais c'est très possible que ça se fasse. En tout cas, voilà, on réfléchit à ça en ce moment. Et toi, est-ce que ça veut dire que tu sortiras aussi un solo d'ici quelques mois? Ça dépend de ça, en fait. Si on le sort, si sur un coup de tête, on a envie de le sortir maintenant, on le sortira maintenant, et je ferai mon solo plus tard. Tu vois, c'est le plus important. Donc ça veut dire qu'il y a des morceaux qui sont enregistrés, en tout cas. Il y a de la réserve, a priori, si tu dis ça. Ouais, bon, voilà, tu connais. On a déjà posé. Ça fait longtemps qu'on a des morceaux ensemble. Maintenant, voilà. Peut-être on va faire un projet, on va renouveler encore, on va voir. Je vois que le hashtag Libéré Ice fonctionne. Libéré Ice, là, faut être en top tweet. Hein. Le hashtag Libéré Ice, Ice MC qui n'est pas là. Si vous arrivez, si vous prenez l'émission en cours de route, et a priori qui ne viendra pas soir, puisque petit problème avec la justice qui l'a rattrapé durant cet après-midi. Mister V, là aussi, avec nous. On écoutera le morceau dans un instant. Toi, tu t'es retrouvé comment sur ce projet? Parce que j'ai l'impression que tu es là de plus en plus sur les différents projets, Mister V, petit à petit. Il m'a appelé très gentiment. C'est quelqu'un que tu connaissais? Bah, c'est par intermédiaire de son manager, Amine, qui m'avait déjà contacté pour un autre projet, qui là, après, m'a contacté donc pour pour mettre en relation avec Ice, et on s'est retrouvé en studio, j'étais avec Volt aussi, ouais. Et on s'est fait ce morceau où dans lequel je j'ai pas pu rapper, mais je fais une intro et une outro. Une bonne intro, ouais, franchement elle est bien. J'espère. Ouais. Et donc voilà, c'est Volt qui était en train de faire le refrain à ce moment-là. Et du coup on a fait cette petite collaboration et j'ai trouvé ça cool parce que tu vois, aujourd'hui c'est grave plus ouvert qu'avant. Et ça c'est bien. Et puis moi je suis content parce que tu vois, je pense que tous les rappeurs kiffent les humoristes et tous les humoristes kiffent les rappeurs. Donc le fait qu'on collabore ensemble, c'est qu'une bonne chose, quoi, tu vois. Ouais, et ouais. C'est bien en fait, je trouve, je regarde un peu les feats différents qu'il y avait. Quand tu passes de Gims, de Iggy Barbar, de Volt, après t'as un humoriste, je trouve ça vachement bien. Il a bien choisi les feats. Ouais. Et Lord des Rois, le 4 septembre, c'est bon signe. C'est vendredi, c'est dans les racks. Lord des Rois, on va écouter un morceau, tiens d'ailleurs, puisque tu parlais de Iggy Barbar, avec PSO Tug aussi, ouais, qui est présent. Un morceau qui s'appelle Walking Dead, ouais, celui-ci. Très tu veux nous dire un mot sur celui-ci? Je suppose que t'étais là aussi, pareil. Bah, ouais, c'était les gens avaient la dalle, grosse prod, ça a kické, gros morceau quoi. Hein, comme d'hab, on connaît les gens, Iggy Barbar, PSO Tug, vos dédicaces, les gros kickers, voilà, hein, ça donne un gros morceau. Et ben on l'écoute maintenant. Allez, sur Skyrock. Balance ça. Walking Dead, c'est dans les bacs le 4 septembre, Lord des Rois. Libéré Ice! Lima et Comax sera India dans le Tokyo Walk. Ils ont vite à Walking Dead, sauf ils tellent en Walking. Local Latine, la couleur manque à moi la taupe. C'est moi qui pilote la navette, pense pas ton cul dans le top. Car dans ton crâne, on glisse, la loi n'aime pas les pommades. Les pneus crissent, la bac arrive sur les lieux comme une tornade. Arrête ça, pas péter. La roue peut tourner, tu perds ton raté, tu béton, tu tronches des angles en promenade. Pareil, tu parles sur WAP, espèce de grande pute. Je vends mec des vérités, tu donnes des leçons de fête. Je t'accorde une photo, mais ne crois pas que ça sent le fit. On se ressemble pas, t'as fait le même parcours que moi, mais sans le fit. C'est bien qu'on pense que j'ai signé le pacte avec le danger. Rien à faire pour toi, même si tu signais, tu serais âgé. Je viens de la fourche comme la clique, je mets du Versace. Mon téléphone arabe est plus puissant que la 4G. Ils le savent qui détient la fraîche. Les zombies me cherchent. Allez, Doggy Dog, pareil que ma pauvre chère. Pas que sera la situation, t'inquiète, je gère. Prenez pas la peine, donnez-moi la peine. Sombre est ton avenir, la faudrait mettre les choses au clair. Tu me croyais fou à la Galilée. Crois-moi que le cul de tes pirates était bien rond. Parlez-moi de son fuck, get validé. Non, dans mon gabarit, c'est lourd. Hashtag tout est mort. Dans ma tête, c'est Walking Dead. Quand je me réveille le matin défoncé. Suis-moi dans le parking bay. Free Ice, 4 septembre. Là, je vais te montrer la dépouille du rap français. Le blogueur Popolos fait la passe. Belek à la Hanouf, c'est la base. Gino Lico sort le famas. Et le pot d'échappement sort du Kamas. Oui. Position anale. Ils te l'ont mis, c'est que t'as mal. Hek et Bendé sont niqués. Te prennent le 635 après ton qui se fait à mal. Paris, sa main, chère. Dans tous les tests depuis longtemps, d'autres pour cela que c'est cassé dans ma chair. Montrez-moi les gros chèques et les montants, à que truc pas cher. Le style est nickel, j'serai pas là ce week-end. Presse dans la merde comme la marine, la rue pure africaine dans tes narines. Reste sauvage comme le hacker, tu mises à carreau dans le placard. À l'aise comme Ragnar dans le Dakar. Paris se bat bien de Dakar. Flo aiguisé, c'est la punition. PSO Tug, c'est la finition. WX, c'est sa saison. Viscère les zombies, c'est la mission. Pour t'allumer, j'ai mon étincelle. Elle tourne la dope, c'est Rick Dincelle. Y'a Jack et le Metz, les bandits et les chefs. Il a Abdel Younes, donc on sort la machette. Et le jour de paye, toi t'es en crise. TDO, notre entreprise. C'est Benelim, Gamilet. 22h, la 5ème day. Viens de mon gaz avec tes poutres au bateau. On va vous brûler chez nous tous les jours, c'est Walking Dead. Libérez. Walking Dead, c'est mon AA12, je ne rate aucune dette. Pas par Walking Dead, PSO to Walking Dead. Triangle dans Walking Dead, crâne en seconde contre la pute. Mon gars, crâne mal. Tu prends mes zombies à tes points à midi. Si ta bitch me demande, dis-le, j'suis toujours ici. XV. Je taille des laquettes plates tous les jours. Amar, amar les poches comme si j'étais un four. Pourquoi tu fais le tank? En plus, ton daron, c'est un bœuf. Mon pote a déjà baisé ta meuf. Tu ferais mieux de redonner tes seufs. J'suis pas la baie et j'vais péter mon millefeuille. Dans la détente, prends comme ma gauche de Winston. Ce zombie n'a pas de faiblesse. En effet, mon épée s'embrochait dans sa tête. Je me demande quel effet ça lui fait. Bang, bang, bang. Dans mon check, c'est Walking Dead. Je te cherche, te traque, ça le traître. Le côté obscur nous dévore. Ces zombies veulent encore un petit bout de ma mort. Dans le manoir, j'ai fait que la cuisson. La ligne, la partie sombre, y'a mon globe qui m'encombre. Ton cauchemar débute à partir du moment où tu me donnes une. Gun sous la ceinture, si tu fais un faux pas, j'hésite pas, je t'allume. Et je fight pendant qu'elle perd. Ralenti, on arrive, je baisse la vitre. Walking Dead, c'est mort, t'es dead. Rentre dans le corner, ta dose est prête. Bise pas, brise, squat, là t'es rangor. Armé comme Daryl, les shérifs se mettent en garde. Fume ces zombies dont je prends pas. Comme à des casques, on te prend entre le rempart. tu caches ta congonce. Non, c'est pas les keufs, gros, c'est l'ambulance. Put, put. Parle pas sur ma petite, comme un zombie avec ta sœur qui déambule. Snitch, snitch, snitch, snitch. T'entends les sirènes, sois zen, c'est pas pour toi. Put, put. Let's get it. Pendant triché, belle, sois zen, j'suis trop courtois. Bande de pute veut savoir ce qui se passe dans mon tiencar. Moi je veux prendre la maille puis je retourne puis on s'est peinard. On a tous un truc en commun, on a besoin de gens A. Je dérive, je dérive, je dérive, c'est quoi ce putain de cauchemar. Écoute ce que je dis, moi je pèse mes mots. Je fais des caries, c'est le A héros. Je m'en bats les couilles de leur putain de flow. Numéro uno, 17 zo. Toi c'est pour ton kiff et puis moi c'est pour le zay. Un trafic actif, ouais il faut que tu te réveilles. Ouais je me plains pas, négro j'ai pas sommeil. Viens dans mon gaz avec des poutres en vacances, on va vous plier. Chez nous tous les jours c'est Walking Dead. Walking Dead, c'est mon AA 12, je ne rate aucune tête. X fait pas par Walking Dead. PS to Walking Dead. Triangle dans Walking Dead. Alors se gratter contre la pute. Walking on Dead. On s'en bat les couilles, t'as des positions. Sauf si tu jactes à l'interrogatoire. Elle, Jekar sous commission rogatoire. On va te la mettre dans toutes les positions. Fais de flot, je m'aide quand je m'introduis. Toujours à l'heure du crime dès que je déboule. Ne mens surtout pas sur la qualité du produit. Nous on roule la frappe, tu roules, tu boules. Cette salope roule du boule. Elles veulent que je mets profond. Dans sa queue, je n'ai négro. Il faut surtout pas confondre. C'est Jack, mais c'est Ice Lame. Le cap, tu te la manches profonde. Dans les packs, négro. Tous mes zombies dans les coins sombres. Dans les coins sombres, je suis dans la cuisine, je taffe le crack, négro. Autour de moi, mes négros. Pète un câble, négro. Autour de moi, mes négros. Pète un câble, négro. Autour de moi, mes négros. Pète un câble, négro. J'préfère prévenir que guérir. Commettre que subir. L'oseille au schneck, le cash au chèque. T'as capté ce que je veux dire. Tu vois où je veux en venir. Ne tente rien, je te verrai venir. Y'a des zombies, sa vie sert le venin. On arrive à 20 pour t'ensevelir. J'opère au peupon pour les scalper. Et au katana pour les estropier. J'arrive à la légende écartée. Lion vouloir stranguler le courtier. On est des légendes pour les gars ton quartier. Lion vouloir stranguler le courtier. On est des légendes pour les gars ton quartier. On me chuchote à l'oreille, l'orgueil, les pouces, ça me boycotte. Je les vois courir après l'oseille. Les gars Max l'envoyer. Fais pas le gros zit avec ta porte est blindée. Le jour de ma mort, mes ennemis vont trinquer. Terrain glissant trop fort, pire qu'en léger. Je viens de là où les gros poissons cessent de pêcher. Walking Dead, mes ennemis sont dans le King Bar. Les concurrents sont décapités. T'as le nez dans la zipette, pendant que je compare à Zidane. Pour avoir visé au moins 6 dead. Walking Dead, Walking Dead, on laissera battre pour qu'after rappeur nous parasiter. Walking Dead, Walking Dead, on a sorti le cycle puis que tu parasites. Viens dans mon 17 avec des poutres en vacances, on va vous brûler chez nous tous les jours, c'est Walking Dead. Walking Dead, c'est mon AA 12, je ne rate aucune dead. X fait pas par Walking Dead, PS to Walking Dead. Triangle dans Walking Dead, alors se gratter contre la pute. Si je te sers la main, je vais recompter mes doigts rappeurs. Je connais tous mes doigts rappeurs, tu connais tous les bois. J'ai forgé mon talent sur des mélodies très anciennes. Euphémisme, mélaconisme, latin se mélange à ma voix. Puis quand je vois ce qui est devenu le purage, pisse la rage. Fils à papa veut s'accaparer ma part du gâteau. J'ai trop souffert dans la street pour pas t'enculer ta race. Pareil que tu rases les murs en passant dans mon ghetto. Ça fait longtemps que j'attends mon heure, demande en grande âme. Ils mettent tellement de vos côtés, on dirait qu'ils sont comme ça. Je grimpe l'arbre de l'arbre brut d'un espèce d'homme sage. Et chérie de l'Algérie, pareil sur les dorsaux. Le teint, Mossad, les cernes, violettes. Il y a longtemps que je n'ai pas dormi. Walking Dead, zombie aux armes, j'ai l'arbalète de Daryl et le magnum de Rick. Walking Dead, je ne rate aucune tête. Mon 17 c'est de Walking Dead, crânant sanglanté contre la puits tête. Walking Dead, ton équipe est distraite, tu te demandes encore si le crime plaît. C'est Mister Bow Wow, Yippie, yo, des billets. Plus de 6 mois d'insomnie, zombie, yo, zombie. Je descends du Zodiac, je monte dans la Cadillac, Shimaïe, j'allume au Chimio, Chimie. Je suis dans ma suite, je joue au docteur avec Tabata. Pilon du riff, on s'en fout du Tagata. Allez, bouge, mince, gros cuit et le patata. Fais-le pour bloquer pas absent, les Vegas, mon car plat. Ne parle pas, t'as pas grandi dans le zoo. J'ai mis la salle à parachute dans la sacoche Kenzo. Je me suis jamais sorti, aussi bien je vais partir un empire avec les pires sacrifices de pute pour jeter dans le dos. J'appelle tes rappeurs Django, MS17, yes. Viens pas m'emmerder, moi je suis pas dans la jet set. M16 énervé, je te rafale comme RD. Mon micro m'est fidèle comme le toc à rêve à jet, yes. Zombie, zombie. Le 4 septembre, l'heure des rois, libéré LMC, PS Hotel, Geeks et Barbare, Crane Max, gros zombie, morceau. Zombie, zombie. Ça envoie, ça envoie. Aïe, aïe, aïe. C'est extrait de l'album d'Ice MC qui sort vendredi avec ce morceau. On retrouvait donc une partie du collectif XV Barbare. Ouais. Et PS Auteuil, un petit mot sur PS Auteuil. PS Auteuil aussi, ouais, deux gros rappeurs du 17ème aussi, qu'on connaît très bien. et qui envoient, qui sont en train de, d'arriver en force, qui ils choquent avec leur âge, tu vois, ils sont plus jeunes que nous et ils ont un gros niveau et ça plaît, donc c'est lourd. Donc c'est en train de bosser actuellement. Ouais. Et on vous les toujours. Retrouvez sur le projet d'Ice MC Walking Exactement, Dead. Ouais. C'est le morceau qu'on écoutait à l'instant. Ce soir, donc on j'ai, disait. J'ai un peu écouté les paroles, c'est violent ce qu'ils disent quand même. Hein. C'est la quoi, j'étais en train de me dire. J'étais en train de me dire. J'ai putain, j'espère que le Comico n'est pas branché sur Sky ce soir. La Bicraft, tout ça, ça fait peur quand même. Est-ce qu'ils vont lui demander une petite traduction express? J'ai vu des documentaires à la télé un peu sur ça. Et là, ça traduit bien ce que je pense. Exactement. Exactement. J'étais pas à l'aise. Vous l'entendez, il est avec nous aussi ce soir. Mister V, on le disait. Libéré Ice, le hashtag est lancé, Libéré Ice, puisque Ice MC ne sera pas avec nous ce soir dans l'émission, malheureusement. On espère demain en tout cas, parce que les gardes à vue, ça peut aller parfois... Des fois c'est long. Ça peut être très long parfois. Donc on espère qu'il sera là avant la sortie de l'album. Ce sera à vivre demain entre 20h et 21h dans Planète Rap. Ouais. Et ce soir, Volteface, pas grave, tu vas rapper un petit peu Volteface. C'est un moment que t'as pas entendu en live. Bien sûr, avec plaisir. Hein. Ça peut sauver un peu l'émission aussi. Non, en même temps, l'émission ça va, tout va bien. Non, ça me fait plaisir. J'étais en train de réfléchir, en train de me dire, est-ce qu'il y a eu un invité sur l'histoire de Planète Rap en garde à vue? Non, je me souviens avoir fait une émission une fois avec les flics de l'autre côté de la vitre. Ouais. Pour, je ne vous dirai pas pour qui, mais pour un invité qui était là, une invitée même d'ailleurs, dans Planète Rap. Okay. Il l'avait sorti, alors je sais pas pourquoi, je crois qu'elle était en garde à vue, il l'avait sorti exceptionnellement pour l'émission. Mmh. Je me souviens avoir fait l'émission avec deux flics qui étaient derrière la vitre. Ah ouais. Ça, je m'en souviens très bien, c'était très particulier. Ils ont posé un 16 ou pas? Non, ils avaient pas la gueule à poser des 16 en plus. Et c'était genre en plus une brigade un peu spéciale. Donc, un peu dangereux. Quoi, donc, ouais, bah, ils avaient pas la gueule à poser des 16, en tout cas ils étaient restés pendant une heure, c'était content. Après, ils avaient rembarqué notre invité pour quelques heures encore. Mais c'est vrai que j'ai pas le souvenir d'avoir eu un invité en garde à vue. Écoute, tant mieux. Tant mieux, dans l'histoire de Planète Rap. Donc, on attend le prochain Planète Rap avec Mister V cette fois-ci, où il sera là, où il ne sera totalement pas là. Totalement pas en garde à vue, bien là, à l'heure, même en avance un peu. Du lundi au vendredi, il sera pas là. Non, je serai là. Bon, Mister V d'ailleurs, qu'on va retrouver dans un instant avec ce morceau, oui, puisque c'est pas un featuring dans le sens. Non. Déjà, il m'a pas mis dans la. Là, on le voit sur la pochette. Je suis avec la participation sur iTunes, on voyait pas mon nom, mais non, et en gros, c'est une intro, une outro comme j'avais pu faire à l'ancienne avec LECK. Mm-hmm. J'avais déjà fait ça, mais alors voilà, je dis une exclue, je m'en bats les couilles. Il y a quoi? C'est en janvier, il y a Ice qui m'a invité sur un autre projet qui va être là cette fois-ci, un projet où on va vraiment rapper tous les deux. Donc voilà. La Volteface te regarde bizarrement. Grosse excuse. Non, fallait pas le dire quoi. Je sais pas si tu devais le dire ou pas. Ah merde. Non, t'inquiète. Bah c'est lâché. Non, t'inquiète. Relayé sur tout Facebook. Et tous les autres mecs te regardent aussi très bizarrement dans le studio. Non, bah ok, bah je vais pas tarder. Tu m'avais dit que t'étais pas en rendez-vous à 20h15. Exactement. Bon, donc faudra attendre le mois de janvier, en tout cas pour te découvrir. En tout cas, c'est un truc qui moi me fait plaisir, parce qu'aujourd'hui c'est un truc que j'ai envie de faire aussi. Bah oui, j'ai l'impression que t'as envie de rappel. Ouais, mais toujours en gardant une certaine part d'humour dans ce que je fais. Mais aujourd'hui, tu vois que des gars comme Ice MC, l'ouverture de l'esprit, de se dire, vas-y, pourquoi est-ce que c'est pas parce que c'est juste un comédien qu'il va faire que de la comédie. S'il a envie de faire autre chose, il peut. Et c'est bien parce qu'en France, les choses commencent à changer là-dessus. C'est vrai. Donc c'est bon signe. C'est bon signe pour la musique, pour l'artistique en général. C'est lié qu'au steak, normalement, qu'on voit ça. Tu vas avoir un Jamie Foxx qui va faire de la comédie, exact, qui va faire du cinéma, qui va faire du stand-up. En France, quand t'es comédien et que tu veux faire autre chose, on dit, attends, mais. Non, t'es comédien. Tu peux pas bouger. Voilà. Donc c'est bien que les choses changent de ce côté-là. Et cool. D'ailleurs, en parlant de ça aussi, comédie, on le disait tout à l'heure, donc film Camping 3 qui arrive. J'ai joué dans Pattaya aussi. Dans Pattaya. Franck Gastambide qui sortira début 2016. Ouais. Qu'on attend avec impatience. Ah ouais, j'aimerais bien. Et non, il y a des gens qui demandaient aussi tes vidéos, c'en est où? Quelles sont les prochaines vidéos qui arrivent? Oui, parce que j'avais écrit Mr. V la balance. C'est des bâtards, j'ai rien dit. Pourquoi est-ce que. Je crois que c'est pour l'info que tu as balancé. Ah oui, non, je crois que c'était par rapport à. C'est peut-être Ice qui nous écoute. Je crois que c'était par rapport à Ice qui était. Non, je pense que c'est lié au. Ouais. Au fait que tu es balancé. Ne sois pas perturbé, tout va bien. Attends, je veux pas avoir des rumeurs nulles comme ça. Non, je prépare bien sûr une nouvelle vidéo qui arrive avec notamment une grosse vidéo sur l'Empora que je vais sortir bientôt. en prévision à côté du projet d'album que j'ai. Et donc voilà, c'est pas mal de projets aussi avec le Whoop. On part en tournée fin septembre. Et oui, toujours le Whoop. On fait le Bataclan du 24 au 28 octobre. Et on a en tournée dans toute la France jusqu'à juin 2016. On est booké. Ça, allez voir parce que c'est un vrai. Je sais pas si t'as eu l'occasion de voir le Whoop. Mais il va venir. Je vais l'inviter au Bataclan. Premier rang normal, frère Lumière. Bam. Non, je suis un peu, c'est l'ours qu'ils font. C'est très très fort. Allez voir. Et puis Mister V aussi, particulièrement avec toute l'équipe du Whoop que je salue d'ailleurs. Et donc c'est 24 au 29 octobre. 24 au 28 octobre. Au Bataclan. Voilà, Bataclan, pas louper près de chez vous. Mais renseignez-vous pour les dates, parce que je crois qu'il y en a pas mal aussi. Il y a plein de dates. Il y a vraiment plein de trucs. Des belles salles, ça va être cool. Et c'est évidemment une tournée Skyrock, je tiens à le préciser évidemment. Sky quoi je... Skyrock. Les logos qui sont affichés. Non, on en reparlera aussi, ça. Bon, on revient dans un instant. Tiens, on le balance ce morceau. Projectac que j'ai jamais écouté. Ah, t'as jamais écouté fini jamais... En fait, j'ai écouté en studio, mais toi-même, tu sais qu'en studio, c'est pas la même chose qu'une fois sorti. Surtout en radio, à Skyrock. Donc voilà, c'est la première fois qu'on va l'écouter. Et ben, ne bougez pas. Dans un instant, le retour du son. Le retour d'Ice MC, au moins, sur son morceau. Au moins. Et avec Mister V, c'est juste après ça. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planète Rap. Ice MC. Ice MC. Aïe, aïe, aïe. Avec nous, Ice. Toujours ça là. Ça va bien. Ça va. L'album, c'est vendredi, toujours, ça, pas de problème. Ouais, toujours. Voilà. On a pas changé là-dessus. Vendredi 4 septembre. Il y a Volteface, il y a Mister V avec nous entre 20h et 21h dans le Planète Rap. Yeah. Et le morceau, justement, avec la participation de Mister V. Il s'appelle Projet Ice. Tu vas le découvrir un peu comme tout le monde. Eh ouais, j'ai jamais entendu. Faites-moi écouter ça. Voilà, même moi. Enfin, non, moi je l'ai écouté, mais c'est un plaisir de le réécouter. Et bon, on va le découvrir maintenant. Vous réagissez avec le hashtag IceLMC sur Skyrock. Libéré. On balance, oui. Ice. Voilà. On balance le morceau. Allez-y, vous réagissez. Voici le projet Ice tout de suite. Ladies and gentlemen, laissez-moi vous présenter un nouveau concept de soirée. Le Project Ice. Une soirée des plus déjantées. Où vous êtes tous invités. T'as entendu parler de cette soirée, frère? Oh, ça va être trop lourd. La vie de ma mère, si j'y vais, me fâche plus la merde. Et poto, je vais mettre la chemise Gucci, le jean Gucci, les chaussures Gucci, le slip Léo Boldo, petit parfum, petite voiture de l'homme. Volubile, original, au rime authentique. Mystérieux comme le fond de l'océan Atlantique. J'ai siroté 6 mojitos, je refuse de conduire. Protégez-vous, y'a qu'un pas du coup de foudre à l'hépatite. Tiens ta petite, Bico, tu vois que ti. Au distributeur, tu sais même pas combien tu retires. La musique m'attire, cortège à la poutine. Deep and Ice dans la limousine, tu vois ce que je veux dire. On a rangé les parabellums, elles veulent un bel homme. Elles peuvent compter sur Ice, la cambrure de Maloca n'est pas dans les normes. Son boulet est énorme, il t'a figé sur place. Perroquet sous cocaine, girafe dans la piscine. C'est le projet Ice, Space Cake dans la cuisine. Une vie de hustler, on se rit, on se pleure, on se vit, on se meurt en tirant l'air au Uzi. J'ai le swag, Jack Cerise. Le jardinier s'est endormi dans le fond du parking. J'ai le snap, chat story. XV Barbare me rejoindra dans la partie. Les voisins pètent, les plans, la soirée n'a pas commencé. N'ayez pas de retard, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. C'est le projet Ice Beach, obligation de danser. On a sorti des Panamera, c'est la Macarena. Jusqu'à la mañana, profite dans Maloca, le prince de Panamera. J'suis pas dans les rails, mais gusta marijuana. J'descends de l'hélicoptère, j'monte dans la limousine. C'est un cocktail, cette année j'suis dans les magazines. Une vie de hustler, on se rit, on se pleure, on se vit, on se meurt en tirant l'air au Uzi. Enfin, je dis ça, je suis pas artiste, hein. Je bois du café arabica. Et d'ailleurs, Ice, pourquoi t'as toujours ce drapeau de l'Algérie ce soir? Hein? Et pourquoi t'as la coque d'iPhone de l'Algérie? Faut arrêter, hein. On est en France, putain. Au secours, Jeanne. Au secours. Ice MC et la participation de Mr. V à l'instant. Bon, est-ce que tu es content, ça va? Cool, cool, cool. J'avais pas entendu les sacs, le nouveau refrain. Voilà. Et c'est très, très cool. Il y a beaucoup de monde qui vient d'arriver dans le studio. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de monde dissipé d'ailleurs, mais toujours pas de Ice MC. Toujours pas de Ice. On cherche dans la masse, il n'y a pas. Non, je suis en train de regarder, tu l'as, on l'a pas vu. Ah, pas vu, toujours pas. A priori. Bon, si vous arrivez à l'instant, justement, 20h30 sur Skyrock, un petit point, et enfin, un petit point Ice MC qui devait être là tous les soirs, ne sera a priori pas la soir, puisque une garde à vue a été mise en place, voilà. Comment dire, été levée. Face à MCMC, mais on n'a pas plus d'infos, donc voilà, on va pas non plus raconter n'importe quoi, on va pas vous dire où il se trouve, on sait pas ce qui se passe, donc on espère en savoir on plus. On espère qu'il soit là demain. Voilà, on espère surtout qu'il soit là demain et qu'il puisse finir la semaine et voir son album dans les bacs vendredi, et puis avoir un petit peu plus d'infos demain entre 20h et 21h dans le Planet Rap. Dans un instant, on remettra un autre morceau, il y aura du live avec vous. Mister V, tu t'es décidé ou pas? Il y aura un gros freestyle. C'est un gros freestyle? Ouais, il y aura un gros freestyle. Et bon, peut-être même X Barbar qui sera là. Ah bah. On sait pas encore, mais normalement ça devrait. En sachet! Ça devrait kicker sévère. Ça devrait kicker sévère ce soir. Ouais, juste avant. Mette de ma gamme et ma ruche! C'était une imitation. Cet animal est réédition! Voilà tous mes gars en prison! Ah, il est bon, Mister V. Non, mais j'écoute beaucoup X Barbar, j'aime bien. Et ben, on va les retrouver dans un instant au micro et Bugs. Bunny par téléphone d'Aurillac. Ouais, allô. Ça va bien, monsieur Bugs Bunny? Ça va, et toi, Fred? Eh bah, écoute, en pleine forme aussi. Bienvenue dans ce Planet Rap de Ice MC, sans Ice MC ce soir. Voilà. Ouais, big up à lui, on soutient le projet. Et Volteface est là, Mister V, le XV Barbare, et toi aussi, tu es prêt à rapper? Je suis prêt. Allez, on y va, c'est parti. Session freestyle. Oula. Check-moi. Si tu es bloqué dans mon délire, les délits ne délivrent pas les vrais gars, délimités derrière les barreaux, déliés des barons, j'ai bossé mes galons, chargé de marrons, le beau tard ton baron, c'est marrant, des gars en manque t'arrangeront frère, quand t'es mourant, sous calmant et ta rage renvière, tu te rappelles que tu viens du bas, une bulle craque, appellera ses verticrades, si ça crame et toutes ces boutas, ça rime à toi. Sérieux ma toi tu rates mal, j'ai zoné sous ma bûche K, galéré pour 12 balles, je me suis donné tous mal, j'ai les crottes en Bugs Bun, je vais t'arrôter en costard, je t'accoste là, on cause pas. Clic clic en 2016, en 2016, même un ghost arm. Oh. C'est baisé dans ce monde de foulec. Le cœur déchiré, le veau serre en boulet. Tu as bout mec à bon, les gars tombent, c'est des catombes pendant que les putelles trappent. Je suis pressé, faut faire ficelle comme de la putain de frappe. Abuse pas, plus t'en feras, plus les promesses sont lâches. J'avoue que plus le temps passe, plus les problèmes sont larges. Sans l'argent et les fuck qu'à l'agent. Deuxe pour doubler ceux qui font la une. Bien sûr que t'es honteuse, on creuse ta tombe avec ma plume. De plus en plus des plumes et plus les années passent, on a la chair de poule. Rien que la chair de ta chair tiendra à peine debout. J'ai grandi dehors, frère tu me connais pas. Big up à mes potes dès mon premier pas. Oh. Ok, monsieur Bugs Bunny à l'instant, bien du côté d'Aurillac en freestyle, bravo. Aïe. Bugs Bunny, merci, tu as des petites dédicaces, on peut te retrouver sur le net, vas-y, on t'écoute. Si c'est possible de faire une case nette, ce serait sympa, ouais. Vas-y, bah vas-y, on t'écoute. Alors, je casse Dédi, Coco, Lucky, Lassu, Renoir, Didi, Kenny qui a perdu son pari, enfoiré, Lakaï, mon gars Vapéji qui connaît tous les textes de Ice Parker, et bien sûr, ma femme et ma cousine à qui j'envoie de la force et de l'amour, restez forte, big up Ice en GRV, on soutient le projet. Merci à toi Bugs Bunny à l'instant. En tout cas merci d'être passé ce soir en freestyle entre 20 et 21. Regarde les messages qui arrivent aussi. Ice Lemsy en garde à vue, nous mettent Mister V à la place. Ils sont choqués, hein. J'ai vu libérer Mister V, on vous donne libérer on vous donne Mister Star. Ah moi ça me fait marrer. La garde à vue. Cette phrase elle est bonne. Bonne punchline. Il va gifler le micro tout à l'heure. Et ben je crois qu'on peut attaquer maintenant puisqu'il y a en effet le XV Barbare aussi qui a débarqué ce soir qu'on salue, qui est dans le studio entre 20 et 21. Voilà. Volteface, Mister V au micro, vous êtes prêts pour live? Ah moi je suis. Et ben si vous êtes bouillant, on peut attaquer tout de suite. C'est parti. Yeah. XV Barbare, XV Barbare. Hey. Où est passé mon public? Faut que je la récupère. On bat les couilles de la concurrence de tous les ennemis. On kickerait jamais les frères Lumière ni Ice LMC. Je remplis le compte de la daronne pendant que tu remplis Percy. Je sais pas les meufs et je te dis clairement, si tu m'as trahi, je viendrai pas à ton enterrement. Je te pardonnerai pas même si tu fais ton serment. Fais pas les choses à moitié, non, on te pèse entièrement. J'ai lu ma ta meuf, le nu ma ta sœur. Le courant passe pas même si tu sors ton taser. Tu critiques mes sons mais tu les connais par cœur. Quand je fais la cour à ma go, je t'affronge d'acteur. La vie de ma mère, on verra qui va s'éteindre. J'ai mon alibi, si les cafes me perquisent. Vous n'êtes que les trous de balles, rangez vos flingues. Je te fais tellement d'ombre qu'on se demande si t'existes. Je crois que t'as oublié ce que je valais en freestyle. Je crois que t'as oublié que j'ai toujours pas pris de balles. Bon, je crois que tu peux remballer ton disque de cristal. On est de ceux qui agissent, on n'est pas de ceux qui parlent. Le temps c'est de l'argent, le silence c'est d'or. Trafalgar, je crois qu'il serait temps de la fermer. J'ai refrain le rap, je vois tous ces gens me juger. Pourtant c'est ces mêmes gens qui oublient de se prosterner. J'avoue que le temps passe, j'avoue que le temps passe. Mon cœur est tressile. Je traîne avec des gens peu fréquentables. Puis je franchis les règles comme un tampax. J'ai pas changé, je suis toujours le même. Je tape que la lucarne quand je vise le but. Je te vois fier, tu peux deviner la suite. Mais la prochaine rime ne sera pas fils de pute. Ennemi est mon frère. Je suis meilleur jusqu'à preuve du contraire. Triangle d'or, départ quand qu'on sert. Je dis partout, je sais quand qu'on sert. L'ennemi de mon ennemi est mon frère. Je suis meilleur jusqu'à preuve du contraire. Triangle d'or, départ quand qu'on sert. Je vois du bif partout, je sais quand qu'on sert. Ils viennent de libérer Bendé. J'oublie pas Bloca qui est enfermé. Pas de tibi pour ces putes. Si je les attrape, je les fume. Bendo, je porte pas de kendo. Je suis toujours au check car avec mes gars, je blesse. Loco, floco, je n'ai de désormais. De la teste. 7-5. Ils viennent de libérer Bendé. Je vais pas bloquer qui est enfermé. Pas de TP pour ses buts. Si je les attrape, je les fume. Bendo, je parle pas de kendo, je suis toujours au tien car avec mes gars je blesse. Floco, tu n'as pas de zéyo. Ma belle, il va pas te sortir de la tête. 9-3-7-5, une putain de fusion. Cette bite me remercie juste après l'infusion. 9-3-7-5, une putain de fusion. Cette bite me remercie juste après l'infusion. L'argent du but n'est pas une illusion. Je recoute l'addition, c'est comme une addiction. Pour un rien, et pour un rien. Même tes anciens te diront qu'il faut suivre mes pas. Ils veulent me barrer la route, un conseil t'en met le patch. Que pas, ça te suffit pas, tu que pas. Ils veulent pas, mets ton pas à balle. Agis par le bas, j'arrive par le bas. Petit, si tu me vas venir, c'est sûrement pour fermer le bal. Là j'ai pris le mic, Ego, tu peux m'appeler Tyson. Quelques mesures et voilà ton vosser qui déconne. Suffit d'un index et d'un Smith et Wesson pour que je te gomme de la carte sans dire à personne. Escroc, c'est la rue, S n'est qu'un rappeur. Voilà que des cheveux là, moi l'humain ne me fait pas peur. Y'a pas de mystère, Ego, ça vient de l'allée. Tu vas mordre la poussière même si t'en veux, tu balais. Allez, là tu vas avaler. Barabara bitch, là tu vas avaler. Fallait, calé, ta conce t'en allait. Pute. Is VPP dans le game, ma gueule. On est venu tout niquer sur la tête de ma cache. XBB. On kick le trap comme on coupe que le crack. 09, 0 bluff, que de la puff. Pute. Yeah. XVB bang bang. Chebeski, le seul qui nous reste. Ce soir la capitale est sous DHC dans le liqueur. Store fini et la réserve. Dommage tout ce que tu bois, tu le gères. Transaction, c'est correct. Dès le matin tu m'appelles. Bye Bresson, j'suis dans la bicrave. Luc Besson qui l'a niqué sa mère. Mais comment, j'suis dans les jeans. Vrai bâtard, on l'appelle Chebeski. Dans l'escalou, la cage la plus dure est à droite. Enfile tes gants, la blanche fond dans les doigts. Me parle pas à tout le monde, j'ai pas le même salaire. J'ai encore bu hier. Je ne serai pas à l'heure au CP parce que c'est la galère au DC. J'ai l'art et la manière pour bouger comme moi, c'est sûr tu me regardes. Chez moi mes petits montent en grade. Je deviens une coupe, je vais le dégrader. Lâche a toujours la meilleure cam. C'est correct, c'est correct, c'est correct. C'est correct, c'est correct. C'est correct, c'est correct. C'est correct, c'est correct. C'est correct, c'est correct. C'est correct, ouais, c'est correct, correct. Écoute, hey. C'est correct, c'est correct. C'est comment? C'est correct, c'est correct. Ok, yeah. Allez, je suis en terrain conquis, sur le côté j'encaisse. Il est temps que l'on se tire, le climat me consterne. Leur idée me constipe, donc il faudrait qu'on se taise. Un peu taf qu'on kiffe, que mes négros acquiescent. Pendant qu'ils rétrécissent dans mon rétroviseur. Ils m'ont dans leur viseur, j'en place une pour mon peuple disait. Posé sur le soleil, évitant le sommeil. Comme un nazi au bled, je suis dans mauvais contexte. Ils pensaient pas que je perce. Sans avoir de pastèche, j'ai niqué le contexte. Et c'est tout ce qui nous parle, nous. La bonne vie et la bonne bouffe. Je vous dis bonne nuit ou plutôt bonne bourre. On n'a pas l'envie mais on a le grand pour. Éviter contrôle, fin faire des plans louches. On les connaît ces filles avec des bandes couches qui pensent être des reines même sur le banc de touche et méritent le même sort que mon gun douche. Hey, hey, Yvick. Aïe aïe aïe. Oh, parfaitement. Bang bang bang. Ya ya ya ya ya. Un impro, tu connais, c'est un impro. Continue ou DJ Ban. Ah là là. On continue encore un petit peu les gars. On sera à l'ancienne un peu. Je me disais, il y a XV Barbar qui est là aussi, bravo Mister V. Hein. Aïe. Sans faute. Ok. Pour une fois. Ah si si si, j'ai raté un mot. 1, 2, 3, c'est volte-face, dis-moi est-ce que tu te rappelles. Si tu viens te frotter en freestyle, tu repars avec une attelle. Ils existent depuis 6 mois, on arrive, ils parlent chinois. Ramène du lubrifiant, ce soir je vais niquer le rap gay. Autour du punchliner, je pourrais tous vous clasher. Mon stylo pousse la fonte, ma carrière est tracée. Enlève la trappe et ses rappeurs disparaissent. Je veux pas d'une meuf qui me suce, je veux d'une femme qui me caresse. Je veux cette go qui se la fête, cette bouffonne prépubère. Sur ma vie, je te baisserai pas, même si t'es la seule sur terre. Et j'ai peur de son personne, mais d'en payer le loyer. Et si tu me trahis pour brasser, c'est que ta fierté s'est noyée. T'entends les punchlines, ton cœur commence à battre. Je vais en concert, je veux mon cash, je me fous de comment ça va. Marre de ce milieu où les meilleurs rappeurs sont négligés. Si je fais des tubes, on me dira arrête ça, gros, t'as rien pigé. Ouais, mais les autres sont partout, alors dis-moi ce que je dois faire. Je me sens seul comme un puceau dans une boîte à partout. Mon ex peut chercher. J'ai qu'à trouver pas mieux. Je suis algérien, je suis prêt. Je peux te récupérer quand je veux. Je suis défoncé sans alcool. Je te fais l'effet d'un magnum. Quand je suis constipé, je vais aux toilettes et je mets ton album. J'ai mis 2-3 disquettes, donc ma gosse s'est fait toute belle. Bouffon, crois pas que je t'aime. J'ai juste les couilles pleines. Pendant que tu poses ta pêche, on fait des classiques. Des concerts, c'est comme ta sœur. L'entrée devrait être gratuite. Le punchliner est de retour. La concurrence en panique. J'ai pas d'amis, j'ai que des frères. Un coup de filet, on réplique. Bon, c'est l'heure de déclarer la guerre. En manque de liquide, niquer des mères. Ça me désaltère, petit. Tu demandes si Ice et moi on n'est pas frères. Hein? Peu importe si Trafi n'est pas là, la calage vous fera terre. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. C'était la session live à l'instant dans Planète Rap avec Mister V qui a tout déchiré, franchement les gars, je pense que c'est unanime. Ouais. Je suis validé par la street ou pas? Bah oui, regardez. Mister V il a un flow quand même. Aïe aïe aïe. Mister V en fait il s'est rappé, je pensais pas à force de faire le concert, je croyais pas en lui. Allez. Voilà, voilà, ça s'est retourné d'un seul coup, t'as vu? Ouais. Un bon petit 16. Bon, on annule demain, Aïe, son mémoire à la place. Et voilà, c'est ça, tu vois, peut-être que tu reviendras demain entre 20 et 21. Merci à Volteface aussi qui était là ce soir au Freestyle. Merci à XV Barbar qui était là avec nous ce soir. Avant de se quitter, on va finir avec un morceau. Yes, yes. On met millionnaire. Non, non, non, on avait dit aussi qu'on. Cœur de lutèce. Au cœur de lutèce. Ouais. Ah, j'avoue, au cœur de lutèce. On avait jamais millionnaire en plus. Ouais, non, ouais, mais on peut finir aussi avec, c'est bien. Au cœur, un peu aussi. Au cœur de lutèce, tu l'as pas entendu encore celui-ci, c'est Gims. Morceau avec Gims. Là, non, j'ai pas encore entendu d'ailleurs. Et ben, on va le découvrir maintenant, tiens, pour toi, Mister V. Et juste après, on fera tourner la roulette. Inscription 41759, allez-y. Petit loco, tu veux porter l'or des rois. Le 4 septembre. Mais à quel prix? L'or des rois. Au cœur de lutèce, je me vois entouré de pions et de valets. Et je veux savoir faire ce qu'il valait. Je suis un roi seul dans son palais. Libère Dino. Au cœur de lutèce. Au cœur du ciel, c'est bingo. Au cœur de lutèce. Au cœur du ciel, c'est bingo. J'ai l'inspiration crépusculaire. Lunettes quartier sur le nez. J'ai grandi sur une île sans mer. Entends-tu battre le cœur de lutèce jusque dans nos textes. Ma katane brûle en grande vitesse. Je suis dans le tiex. Moi solo dans son palais. Cet or en vaut-il la peine? J'espère avoir fait ce qu'il fallait. Tous les valets veulent ma reine. La calache humaine doit rafaler. Bien entouré comme le parrain. T'es scaphandrier. Cherche le triangle d'or dans les fonds marins. Demande à mon gawarano ce que vaut la célébrité. La couronne me rend parano. Je rappe en état d'ébriété. À vivre au rythme du piano. Je vais trop vite pour m'arrêter. M'assois sur 1 million d'euros pour la seule qui m'a allaité. Au cœur de lutèce, je suis entouré de pions et de valets. Et je veux savoir faire ce qu'il valait. Je suis un roi seul dans son palais. Au cœur de lutèce, au cœur du ciel, c'est bingo. Au cœur de lutèce, au cœur du ciel, c'est bingo. Au cœur de lutèce, au cœur du ciel, c'est bingo. Au cœur de lutèce, au cœur du ciel, c'est bingo. Au cœur de lutèce, au cœur du ciel, c'est bingo. Toujours au top. Naked Club, Ice et Gims dans le fond du club. Ghetto chic, Chico, ta meuf trouve un charmant. Le 4 septembre, l'heure des rois. Tu reviens de taille. Toute la night avec un flash sur Paname, c'est la Dolce Vita dans mon bando. Je n'ai toujours pas trouvé le sommeil. Tu levais au coucher du soleil. Reste sereine, Zina, je te raccompagne en Merco. T'es la bienvenue dans le cœur du Siete Cinco. Demande à mon Gawarano ce que vaut la célébrité. La couronne me rend parano, je rappe en état d'ébriété. À vivre au rythme du piano, je vais trop vite pour m'arrêter. Ma foi sur 1 million d'euros pour la seule qui m'a allaité. Au cœur de l'Utesse, je me vois entouré de pions et de valets. Ah, ça danse sans le tien, bon mon gars. Et je pense avoir fait ce qu'il fallait. Je suis un roi seul dans son palais. Mon gars Bloca, aïe aïe aïe. Blasno, mon gars Bloca. Au cœur du ciel, c'est Blinko. Au cœur de l'Utesse. Au cœur du ciel, c'est Blinko. Au cœur de l'Utesse. Au cœur du ciel, c'est Blinko. Et tous ceux qui sont au trou, mon gars du 17, tout Paname, tu connais toute la France. Aïe aïe aïe. L'or des rois, très très lourd. Au cœur de l'Utesse, roi, pion et valet. Ce qu'il fallait. Le 4 septembre, l'or des rois. Dans son palais. Tony Lass, mon gars. L'album c'est l'heure des rois, il sort vendredi et ce morceau au cœur de l'Utesse avec Maître Gims à l'instant Ice MC, Maître Gims sur Skyrock. Ouais. Merci à vous pour cette soirée, merci au XV Barbare d'être passé aussi les gars, merci à vous. À toi, ouais. Merci à toi, merci à toi. Un petit mot quand même sur le XV Barbare, sur les sorties du XV Barbare, qu'est-ce qui se passe là, l'année, la fin de l'année, mon projet gars. lourd. On très très lourd. Pas plus, tu vois. Donc fin de l'année. On laisse la fin de l'année, mon gars. Ça va, ah, mon j'ai hâte, c'est très cool. Fin de l'année. Mon gars, Mister V. Lourd, lourd. Maman, elle a pu. Vous l'avez pas invité sur un morceau pour qui pourquoi pas. Je vais les décrédibiliser. Ils vont avoir un clown qui fait guide dans ce milieu, c'est pas terrible. Non. Bah, ils savent rigoler aussi, hein, le XV Barbare. Bien sûr. Mais non, donc ouais. Fin de l'année, c'est pas. Sortie du projet, nouveau projet pour XV Barbare. Voilà. Et puis en attendant. Dans les bacs, premier projet dans les bacs. Et puis on vous attend aussi sur le projet L'Or des Rois avec Ice MC. Avec Walking Dead. Merci à vous d'être passé ce soir entre 20 et 21. Volteface, bah écoute, je te laisse prendre tes nouvelles de Ice. Crâne Max. Je vais tenir au jus. Gros big up, PSO Tech, Crâne Max, on est ensemble. PSO Tech, mon gars Crani. Mon gars Crani en direct de la J. Et Mister V aussi. Mister V qu'on retrouve sur le projet d'Ice. On retrouve dans le bendo, dans le bendo. Mais après, on va retrouver sur scène, donc avec le Whoop en tournée. Et avec le Whoop du 24 au 28 octobre. 24-28 octobre, loupez pas. Franchement, allez voir Mister V, puis allez voir aussi les vidéos. Allez cliquer partout. En attendant le ciné. Mister V qui était là avec nous. J'ai de me rappeler toutes les paroles à chaque fois. Avec nous ce soir, juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Développer une première place de concert pour voir Maître Gims près de chez toi. Salut Anaïs de Nice. Salut. Ça va bien Anaïs? Ça va et vous? Bah écoute, ça va. On aurait aimé qu'Ice MC soit avec nous ce soir pour son Planète Rap, mais on espère le retrouver demain entre 20 et 21. Anaïs, tu es prête à faire tourner la roulette? C'est parti. Prête, ouais. Dès que tu veux, tu dis stop. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et bah voilà, place pour aller voir Maître Gims en tournée. Merci. Ce sera le 25 novembre pour toi du côté de Nice. C'est de place. C'est gentil, merci, canon. De rien, je te fais des bisous Anaïs. Bisous, bonne soirée. Ciao, bisous, ciao. Bonne soirée à vous tous. Merci. Donc une fois de plus, Miss Survie. On va saluer. Il y a l'Inso qui était dans le coin aussi. Ouais, avec le docteur Beriz qui était dans le coin. Figure-toi qu'aujourd'hui, c'était pas prévu de passer. On est passé avec Monsieur Insolent qui est là. Voilà. Et j'ai appris que le poteau il est pas là en fait. Les aléas de là où on vient en fait. Exactement. Vas-y, c'est quoi force à Watt mon pote, la prochaine fois tu vois. Essaye d'être présent poteau, parce que la famille elle vient, on vient de voir tout ça. Ça c'est vraiment sérieux de l'autre côté, c'est pas la peine. Ok mon sauce, courage et reviens, on soutient le bail, sort le projet, on est là pour ton soutien. Voilà, pour l'instant je crois qu'il doit être en garde à vue, il n'y a pas encore la radio, mais voilà. Bon, big up à Watt. Qui sait, peut-être que la police écoute en ce moment. Peut-être qu'elle écoute, je pense pas trop, mais voilà. Elle est sur les côtes de Mister V de toute façon. Bah voilà. Qui viennent dans le bendo frère, qui viennent. Le 4 septembre dans les bacs, Ice MC, c'est du Lord des Rois, poteau. Merci à vous tous en tout cas, et donc on espère retrouver j'allais dire Mister V demain. Mais oui, s'il veut revenir, tu reviens demain. Mais on espère retrouver ICMC demain au micro entre 20 et 21. Merci. Volteface, merci à vous tous. Difool, est-ce que tu es là avec toute l'équipe? Mais oui, mon bon Fredo. Est-ce que tout le monde est là? Je regarde autour de moi. Regarde autour de toi. C'est marrant, mon regard s'arrête directement sur la Marie. C'est ouf. C'est fou, ouais. C'est fou. Ice, demain, tu viens avec nous dans l'émission? Bah, Ice, il est en garde à vue, là. Il est en garde à vue. Ice, je te dis, tu nous écoutes dans la voiture de la police. Demain, n'oublie pas, 20h, 21h, tu viens avec nous. On espère qu'il pourra venir, Difool. Donc, bravo, Fredo, pour ce Planète Rap de ce soir. Le premier Planète Rap que tu fais sur un artiste sans qu'il soit là. Voilà, c'est vrai que c'était une première aussi pour moi, ouais, ce soir. Il est fort, le Fredo. Bah ça va, il y avait quand même Volteface, Mister V qui était là, le XV Barbare aussi, donc on est pas totalement tout seul. Alors petit message à la police s'ils nous écoutent, relâchez Ice pour demain soir 20h. Ah ouais, ce serait bien, ouais. Il a Planète Rap, soyez à l'écoute demain 20h, vous aurez la suite du feuilleton là. Demain soir 20h pour Planète Rap, et puis nous on l'attend dans Radio Libre demain aussi. Hein. Normalement. Bah ouais. Bon, l'album il sortira quand même vendredi. Ah, ça c'est sûr, ouais. Lui il est pas en garde à vue. Hein. Non, non, l'album est sorti vendredi. Très bien. Bon, bah bon courage à Ice, merci à tous ceux qui étaient là. Bravo Fredo. Et bah de rien. Et nous, bah c'est parti, on arrive tout de suite avec Soprano. Millionnaire? Eh ben ouais, on va écouter très Millionnaire, bien. Le Soprano. Si tu m'aimes, la la la la la la la. Et vous avez loupé mon petit pas de danse là qui était pas mal sur Millionnaire. Ah ouais. Ah bah j'en doute pas. Quel danseur. Un seul instant. Ah, tu connais mes capacités de danseur. Sur le lie lie lie. Je le fais très bien aussi, le lie lie lie lie. Ah, il y a des messages sur SMS. Libéré, délivré. Libéré, délivré. Ice MC. Demain faut lui mettre s'il sort. C'est ce que chante Charognard là sur. Vous arrivez à chanter sur les SMS, c'est ouf. Bon, vos messages sur justement le 41759. L'appli Skyrock, le skyrock.fm, déchiré tout au long de la soirée. Vous avez besoin de nous, on est là, vous voulez faire les cons avec nous, on est là aussi. Le 01 53 40 30 20 et toute l'équipe qui vous attend. Et donc, le millionnaire de la soirée, c'est Soprano qui était avec nous hier soir, je sais pas si t'as entendu, Fredo. Oui, il est en pleine forme, il reprend la tournée d'ailleurs, le Cosmo Tour. Ouais, il était en voiture hier, on l'a vu sur l'autoroute Sopra pour nous raconter un petit peu ses rentrées quand il était au Bahut. C'est pas assez sérieux, Soprano. C'est sérieux, hein, ouais, sérieux. Mais c'était un peu le bordel quand même. Oui, sérieux dans le travail, dans le comportement moyen. Ouais, il a eu son bac. Bon, on aura un invité aussi ce soir là qu'on aura au téléphone. Ouais. Bon, passez dans la radio libre, c'est facile. Vous nous appelez, puis on arrive dans un instant sur Sky. Salut, Fredo. Ciao. À tout de suite sur Skyrock, Radio Libre, c'est parti.